Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 1, du samedi 25 août 1883. Page 4, colonne 4. Holyoke, Massachusetts. L'enquête contre Daniel Shee pour meurtre a occupé la cour de la police pendant toute la matinée de mardi dernier. Il en est résulté que l'accusé doit fournir un cautionnement de $500 pour sa comparution devant le grand jury en décembre prochain. Michael Spillane, pour avoir blasphémé dans les rues, a été condamné à $7 d'amende à la cour de police mardi dernier. Henry Barstow, fermier demeurant près de la route de Westfield, dans West Springfield, a eu deux vaches d'une valeur de $50 l'une, tuées par la foudre samedi après-dîner. Elles se trouvaient sous un arbre au pâturage. Il n'y a que 6 ou 8 semaines que le même homme avait déjà eu un bon cheval de traite tué par la foudre. 4 vaches, sous un arbre, dans la ferme de T.R. Wright et fils, à South Hadley, ont été tués par la foudre samedi dernier. Le nivellement de la rue Pearl a été commencé lundi matin et constituera une grande amélioration pour la localité. Il a été construit plusieurs bâtiments nouveaux pendant la saison actuelle dans cette rue qui paraît destinée à devenir l'une des rues les plus agréables de la cité. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2012 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.